Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai de la douceur de Jésus-Christ. Dieu est un père et non un gourou. Jésus-Christ est le seul qui soit vraiment digne d'avoir des disciples. En Matthieu chapitre 23, Jésus a fait des reproches aux conducteurs religieux de son temps. Il a dit « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Voilà ce que font les gourous. Ils rendent les gens malheureux au nom de la vérité. Mais Jésus parlait pour sauver les gens et non pour les esclavager. Aujourd'hui, les gens sont très suspects à propos des personnages qui parlent de Dieu et ils font bien, car le danger est très réel et ils sont très nombreux, ces pseudo-pasteurs ou pseudo-prophètes ou pseudo-envoyés de Dieu, même s'ils sont bien intentionnés, peuvent être dangereux. Beaucoup n'ont pas une compréhension bien fidèle du caractère de Dieu. Ils sont sévères, durs et autoritaires. Étant donné qu'ils sont eux-mêmes durs et insensibles, c'est pourquoi ils nous présentent un Dieu dur et insensible. Mais la vérité, c'est que Dieu est amour et désire que nous le servions par amour. Alors ne vous laissez pas écraser sous les paroles autoritaires de ceux qui disent avoir le droit de vous conduire spirituellement. Peu importe la quantité d'études qu'ils peuvent avoir faites, les gens durs et sévères ne connaissent pas Dieu, c'est la triste et stricte vérité. Les évangiles nous disent que Jésus était doux et humble de cœur. Les gens du peuple, les pécheurs et les gens de mauvaise vie se sentaient bien auprès de lui parce qu'il ne les culpabilisait pas, mais leur annonçait la bonne nouvelle du pardon que leur offrait gratuitement ce Dieu d'amour. Il attirait les pécheurs par la douceur et leur offrait la grâce de pouvoir changer de vie. Il ne les jugeait jamais. Alors, mes amis, si quelque personnage vous annonce un autre Jésus qui n'est pas doux et humble de cœur, un Jésus qui ne vous offre pas le repos de vos âmes, ne le suivez pas, mais fuyez loin de lui. Jésus-Christ est le seul pasteur que vous pouvez suivre aveuglément sans jamais avoir à le regretter. Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, dans le passé, j'ai laissé des gens marcher sur mon dos et s'établir en chef sur ma vie. Je reconnais aujourd'hui qu'ils étaient des imposteurs et des personnages indignes de me parler de toi. Jésus, je t'accepte comme sauveur et seul Seigneur de ma vie. Dirige-moi vers une église digne de ce nom, où l'enseignant sera un serviteur et non un dominateur. Amen. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.